pas complètement fou? C'est dingue. Depuis que j'ai gagné au jeu complètement fou, toutes mes copines veulent jouer. Dites-leur de se dépêcher, Michel. Elles n'ont que jusqu'au 18 novembre pour tenter de gagner l'un des bons d'achat ou l'une des cartes cadeaux en achetant les marques partenaires. Au total, 2 millions d'euros sont mis en jeu. Vous avez raison, faut pas traîner. Allez les filles, on file chez Carrefour Market. C'est le mois Carrefour Market. Montant total mis en jeu sur l'ensemble des magasins participants au niveau national. Bon d'achat de 2, 5 et 10 euros et carte cadeau de 50 et 100 euros. Jeu soumis à condition d'achat. Voir règlement du jeu en magasin ou sur carrefour.fr. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Jeudi dernier, le président de la République a lancé les célébrations du centenaire de la Première Guerre mondiale. Mais Franck Ferrand avait pris de l'avance. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. On est toujours en avance ici, vous savez. C'est bien. Dès le mois dernier, en effet, nous avons consacré une émission aux cicatrices de la Grande Guerre. Et nous aurons bien d'autres occasions dans l'année qui vient. En ce 11 novembre, c'est à l'un des principaux chefs militaires français que j'aimerais consacrer cette émission spéciale. Le maréchal Foch, dont nous allons tenter de cerner la personnalité en compagnie d'un de nos grands historiens militaires, Patrick de Gmelin. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de David sur une tradition des fêtes de mariage. Et oui, la tradition de la jarretière qui est, disons-le, un petit peu en perte de vitesse actuellement. Pour le moment, nous nous reportons 100 ans en arrière. Comme Foch l'aurait dit lui-même, allons-y. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes à la fin des années 20. Tous les jours, à 9h pétante, le maréchal Foch, héros de cette grande guerre qu'il est réputé avoir gagnée, entre dans son bureau du Conseil supérieur de guerre, on est aux Invalides. Je dis qu'il est réputé l'avoir gagnée, cette guerre, mais bien entendu, tout le monde n'est pas tout à fait de cet avis. Foch ne s'attarde pas à ses broutilles et à ses arguties. « Je ne sais pas qui l'a gagnée, bougonne-t-il, mais je sais bien qu'il l'aurait perdue. » C'est pas un tendre, le père Foch. C'est un homme d'une énergie, d'un allant, d'une force considérable et qui ne s'embarrasse pas des petites circonstances. À tout bout de champ, il lance l'interjection qui l'a rendu fameux dans les états-majors et qui résume tellement bien son dynamisme à toute épreuve. Allons-y! Il arrive donc à 9h, il consulte son courrier. C'est vraiment la vieille école, vous savez. Il lit lui-même toutes ses lettres. Et il y répond de même. Alors quand je dis qu'il répond lui-même, vous imaginez bien qu'il ne sort pas son porte-plume pour écrire à tout le monde, mais il dicte à ses secrétaires de son style bref, concis, efficace. Puis il convoque son état-major. Allons-y! Et puis, et donc il règle les différentes questions en suspens, il rentre déjeuner chez lui, rue de Grenelle, ça n'est pas loin du tout, hein. On est quand même dans ces années 20, à la grande époque de l'automobile pétaradante, et il revient l'après-midi pour des visites. L'essentiel des après-midi du maréchal Foch est consacré à recevoir différents hommes d'État qui viennent d'un peu partout du monde entier, des diplomates, des généraux, des financiers, des industriels, pas mal d'industriels français qui d'ailleurs viennent chercher auprès de lui. On dit souvent des conseils, plus que des conseils, je pense qu'ils viennent chercher une sorte d'énergie particulière. Vous savez, Foch fait partie de ces gens au contact desquels on se sent naître soudain des ambitions extraordinaires. À 68 ans, on peut dire qu'il est en pleine possession de ses moyens, en pleine vigueur physique et intellectuelle. Voilà ce que disait le général Weygand. Vous savez, le général Weygand professait un véritable culte au maréchal Foch. Et voilà ce qu'il racontait sur cette dernière période de la vie du grand homme. Sa sveltesse, la ferme souplesse de sa marche, sa façon de prendre possession du sol lorsqu'il s'arrêtait. Ça, c'est, je trouve cette expression incroyable, prendre possession du sol lorsqu'il s'arrêtait. Son port de tête, l'acuité, la profondeur de son regard, tous les caractères de ce physique qui révélait l'autorité, l'intelligence, la spiritualité, s'était affirmé dans leur trait définitif. Bon, on est là dans la géographie, évidemment, mais c'est une géographie intéressante et qui nous en dit long sur l'admiration que répandait, si je puis dire, autour de lui, la figure de ce maréchal Foch, qui, il faut le dire, s'est soigné avec beaucoup de diplomatie ses relations publiques. Le maréchal Foch n'écrit jamais de mal de personne, par principe. Sa parole, je vous le concède, est parfois sévère, et même violente. Mais sa plume se veut, en toutes circonstances, soit bienveillante, soit au pire neutre, parce que, dit-il, les écrits restent. Voilà un sage précepte antique. Verba volent, scripta manent. Alors, puisque les écrits restent, eh bien, on n'écrit rien qui puisse un jour vous être imputé à tort. Il l'a dit lui-même, d'ailleurs, plus on monte, meilleur il faut devenir. Où l'on songe aux beaux vers d'Edmond Rostand, et les manteaux de duc traînent dans leur fourrure, tandis que des grandeurs en montent les degrés, un bruit d'illusions sèches et de regrets. Ils traînent aussi, ajouterait Foch, ils traînent aussi l'odeur de l'encens. Ça fait partie, finalement, d'une carrière, en tout cas, à un certain niveau, bien entendu. Et puis, il y a une véritable bienveillance chez cet homme, incontestablement. Il est de ceux qui suivent de très près la carrière de la plus part des officiers qui sont passés sous ses ordres. Quand je dis suivre, c'est-à-dire qu'il s'informe, qu'il est au courant de la moindre évolution et qu'il envoie le petit mot qui fait plaisir dans les bonnes circonstances. Évidemment, tout ça va durer pendant la majeure partie des années 20, mais dans les années 27-28, on voit quand même Foch décliner singulièrement. Les réceptions se font moins nombreuses, il limite ses déplacements au minimum, il est un peu moins fréquemment au bureau, et puis sa santé décline, jusqu'à ce soir du 20 mars 1929, où son infirmier lui demande de quitter son fauteuil. Le maréchal lui répond « Allons-y !» comme s'il allait une fois de plus lancer l'assaut. Sauf que cette fois, monsieur le maréchal n'ira nulle part. Il se lève, il ferme les yeux, il tombe, il est mort. Sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film La Grande Illusion, réalisé par Jean Renoir en 1937. Et on revient avec vous, Franck Ferrand, à la vie du maréchal Foch. Alors j'espère vous l'avoir fait sentir, entre les deux guerres, le maréchal Foch est presque unanimement admiré. Il est le grand commandant en chef interallié, celui qui a conduit les alliés à la victoire, celui dont les actions ont mené à cette victoire alliée. À l'époque, on s'attarde peu sur ces déconvenues. Sauf que depuis, certains se sont rattrapés. Et dans la période très récente, notamment à la fin du mois d'août dernier, dans un article, j'allais dire un article sauvage du Point, intitulé « Foch, le pire stratège de la Grande Guerre », avec tout de même un point d'interrogation, Laurent Legrand écrit « Au cours des premières années de la guerre, le maréchal Foch fut à l'image du commandement français, mal inspiré. » On pourrait dire d'ailleurs que le général de Gaulle lui-même, lorsqu'il va faire une sorte d'éloge du maréchal Foch pour le 14e anniversaire de sa mort, voilà ce qu'il écrit. Il dit « Il me semble d'abord que la grande mémoire du maréchal Foch nous rappelle aujourd'hui, au cœur même de cette guerre, une condition élémentaire du succès, cette condition c'est l'unité de l'effort. De Gaulle insistait sur cette unité. Alors, la question se pose, est-ce que Foch a été servi par les circonstances et est-ce que ce commandement unique l'a en quelque sorte lui-même conduit à la victoire? Ou est-ce qu'il était un piètre stratège doublé d'un homme de communication? On va essayer de répondre à cette question. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et en ce lundi 11 novembre, on revient à la vie du maréchal Foch. Dans les tout débuts de la Grande Guerre, le général Foch commande le 20e corps d'armée de Nancy. On est en Lorraine, il appartient à la 2e armée du général de Castelnau. Et évidemment, dans la deuxième partie de cette émission, nous allons revenir sur la personnalité du général de Castelnau et sur les relations que Foch pouvait entretenir avec lui. Le 14 août 1914, c'est donc le début de la bataille de Lorraine. Il est aux premières loges, si je puis dire, Foch. Son corps d'armée avance vers la ligne Sarrebourg Morange, avec des pertes vraiment très importantes. Il est forcé à la retraite. Il va couvrir cette retraite pour livrer la bataille du Grand Couronné qui couvre Nancy tout de même. Et il contre-attaque, ce qui va empêcher tout de même les Allemands de traverser la Meurthe. Et puis, dès que possible, ça c'est, on va dire, le naturel de Ferdinand Foch qui reprend le dessus. Allons-y. Il lance une première offensive. On est là le 20 août 1914. Il fond littéralement sur les lignes allemandes. Le 20e corps se heurte à une contre-attaque allemande importante. Il est contraint à la retraite. Les pertes sont lourdes. 5000 hommes, là, dans une demi-bataille. Et c'est là que les critiques commencent à trouver du grain à moudre. Cette offensive n'aurait jamais dû avoir lieu. Parce qu'en vérité, les ordres du général de Castelnau étaient totalement contraire à la dite offensive. Simplement, ils ne sont, paraît-il, jamais parvenus à l'état-major mouvant du général Foch. Foch a ordonné l'attaque néanmoins. Ça ne plaît pas du tout à Castelnau, ça, qui va ordonner à Foch de faire machine arrière. Et il lui en voudra. Il lui en voudra longtemps, j'allais dire, il lui en voudra toujours d'avoir ainsi désobéi. Pour le moment, on ne tient pas vraiment rigueur à Foch de son côté tête brûlée. Du reste, il est choisi pour commander la 9e armée au moment de la bataille de la Marne. À peine nommé, il est contraint de nouveau à la retraite. Alors on connaît la célèbre formule de Foch, assez magnifique, il dit « Pressé fortement sur ma droite, mon centre cède, impossible de me mouvoir ». Situation excellente, j'attaque. Il met ainsi un terme à l'offensive de l'armée allemande. Nous parlions de cette bataille de la Marne il y a quelques jours à ce même micro. Le 4 octobre 1914, ça c'est la récompense. Il n'a pas été puni lorsqu'il avait fait une faute, mais il est bien récompensé lorsqu'il accomplit un exploit. Il est nommé commandant en chef adjoint de la zone nord. Autant dire qu'il est au coude à coude maintenant avec le grand patron, avec le général Joffre en personne. Allons-y, un petit saut dans le temps. Jusqu'en mai 1915, Foch va monter le projet détaillé d'une offensive au nord d'Arras. Elle est fixée au départ le 1er mai, cette offensive. Elle est retardée d'abord pour parfaire la préparation. Préparation tactique extrêmement minutieuse du terrain, avec reconnaissance et photographie aérienne, ce qui est une première pour l'époque, avec également une information des unités d'attaque de la nature exacte du terrain. Chaque unité, chaque homme reçoit une mission précise. Ça, c'est l'organisation, Foch, il faut pas l'oublier non plus. L'attaque est de nouveau rapporté jusqu'au 9 mai en raison de la météo cette fois. Allons-y, ça va être cette attaque surprise contre les Allemands. Les troupes avancent rapidement, moins vite cependant que les Allemands ne reculent, ce qui permet à l'ennemi de se regrouper, de s'organiser. Il n'empêche, les Alliés sont vainqueurs, on va dire, sur cette opération-là, avec de belles progressions sur le front allemand. Mais la guerre de position s'installe. Et à la mi-mai, alors que les troupes de Foch repoussent plusieurs contre-attaques ennemies, la 13e division voit son offensive bloquée. Alors, rapidement, les Allemands en profitent. Ce sont des contre-attaques tout à fait violentes. L'ennemi s'est renforcé et du 27 mai au 2 juin, il n'y a plus que des actions locales du côté des Alliés. Alors, dans les jours suivants, la 10e armée poursuit sa conquête. Elle gagne du terrain. Elle fait tomber de nouvelles places. Mais, pardonnez-moi de le dire aussi clairement, elle ne conquiert pas vraiment le territoire. Dès le 25 juin, la solidité des organisations défensives allemandes, mais aussi la violence de leurs attaques, la qualité de leur approvisionnement, et pour ne rien dire de l'incroyable puissance de leur artillerie lourde, tout ça donne à penser que les Alliés ont de moins en moins de chances. On parle à ce moment-là de mauvaise coordination des troupes françaises. Ce dont on parle moins, ce sont les pertes. 17 000 morts à ce moment-là. Alors, Allons-y, nouveau saut dans le temps. On est sur la Somme cette fois, en 1916. Alors là, attention, plus de 2 millions d'hommes engagés. Le but, vous le connaissez, c'est détourner l'attention des Allemands de Verdun, tandis que l'artillerie française pilonne les positions allemandes. Alors, on peut dire que du côté français, les têtes pensantes, dont Foch fait partie, au premier chef naturellement, tous ces grands chefs s'attendent à ce que la ligne de défense allemande soit littéralement décimée par le bombardement. Il n'empêche, ils avaient mal vu. Cette ligne est sinon intacte, du moins demeure en place. Et lors du premier jour de la bataille, la Somme est le théâtre de la journée la plus sanglante du conflit. Au terme de cette très longue, de cette interminable bataille, les lignes n'auront pas bougé, ou quasiment pas, et on relèvera plus de 600 000 soldats hors de combat côté allié. Certains disent pour rien. Alors là, tout de même, le temps commence à se gâter pour Ferdinand Foch. Après ce nouveau raté, il va tomber en disgrâce, une disgrâce assez provisoire. Mais enfin, en décembre 1916, Joffre le relève du commandement du groupe d'armée du Nord. Il est destitué, on peut dire qu'il tombe en discrédit. Alors évidemment, le ministre de la Marine et par intérim de l'armée, qui s'appelle Lucien Lacaze, va essayer de le réconforter. Au moment où l'état de votre santé vous oblige à abandonner provisoirement un commandement actif, lui écrit-il, le gouvernement tient à témoigner une fois de plus, par la plus haute des distinctions militaires, en l'occurrence la médaille militaire, la reconnaissance du pays. Joffre aussi sera du reste mis de côté quelques jours plus tard. Le ministre de la guerre, le nouveau, le général Lyautey, va remettre Foch en selle. Il est envoyé un temps sur le front italien, nommé commandant en chef du front ouest, chargé de coordonner l'action des armées alliées. Il aura bientôt le titre de généralissime, autant dire qu'il est reparti. Et allons-y. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire cet après-midi, lundi 11 novembre, vous nous contez la vie du maréchal Foch, Franck Ferrand. Alors il faut imaginer ce qui s'est passé à Doullens le 25 mars 1918 dans la mairie de Doullens. On est en train d'établir la nouvelle marche des opérations et notamment la coordination avec les Britanniques. Or, Foch s'est fait remarquer avant cette conférence franco-anglaise en exposant son plan. « Je veux me battre », a-t-il dit à Clémenceau. « Je me battrai dans le Nord. Je me battrai sur la Somme. Je me battrai sur l'Aisne, en Lorraine, en Alsace. À force de cogner sur le Bosch, je finirai bien par l'ébranler. » Ça, c'est le genre de discours que Clémenceau est tout à fait prêt à entendre, évidemment. D'ailleurs, il a pris, il est devenu président du Conseil, j'ai oublié quand même de vous donner cet élément très important dans l'évolution de la guerre. Il prend le président de la République, Poincaré, à part, et lui dit « Pétain est agaçant à force de pessimisme. Imaginez-vous qu'il a dit une chose que je ne voudrais pas. Les Allemands battront les Anglais en rase campagne, après quoi ils nous battront aussi. Un général devrait-il parler et même penser ainsi ?» Dans l'esprit de Clémenceau, Foch a fait de grands pas. Alors, c'est la conférence franco-anglaise au premier étage de l'hôtel de ville. Le président de la République Poincaré, le président du conseil Clémenceau, le général en chef Pétain, le chef d'état-major général et le conseiller du gouvernement Foch sont là, qui discutent donc avec les Anglais, très pessimistes du reste. Haig envisage un repli vers le nord. Pétain n'est pas beaucoup plus optimiste, il songe lui-même à couvrir Paris. Il y a cet échange entre Clémenceau et Milner. Le chef du gouvernement français finit par annoncer « Le général Foch est chargé par les gouvernements anglais et français de coordonner l'action des armées alliées devant Amiens ». Autant dire que Foch est donc nommé généralissime des armées alliées. Il va être le grand coordinateur. Alors Clémenceau s'est expliqué de sa décision après la victoire, une fois que la guerre a été remportée. « Je me suis dit, écrira Clémenceau, essayons Foch. Au moins, nous mourrons le fusil à la main. J'ai laissé cet homme sensé plein de raison qu'était Pétain et j'ai adopté ce fou qu'était Foch. C'est le fou qui nous a tirés de là. » Alors, certes, le fou nous a tirés de là en 1918. Il a emmené l'ensemble des armées alliées jusqu'à la victoire. Mais est-ce qu'en 1914 et en 1915, le général Foch a eu du sang sur les mains, à en croire un certain nombre d'historiens d'aujourd'hui? On serait tenté de répondre oui. Je cite de nouveau Laurent Legrand dans son article du Point qui a fait tant de bruit il y a quelques semaines. Au cours des premières années de la guerre, écrit-il, le général Foch fut à l'image de l'ensemble du commandement français, mal inspiré. Un euphémisme lorsque l'on mesure l'ampleur des pertes dans les rangs alliés. Bonjour Patrick de Gmelin. Bonjour Franck. Alors vous êtes l'auteur d'une biographie du général de Castelnau, dont vous êtes d'ailleurs par alliance un descendant, et qui va sortir là dans les jours qui viennent. Le général de Castelnau était le patron de Foch au début de la guerre, on va y revenir bien entendu. Que pensez-vous de cette polémique qui agite le petit monde des historiens là depuis quelques semaines sur les responsabilités de Foch dans les débuts très meurtriers d'une guerre de 14 mal conçue et mal dirigée? D'abord, ce n'est qu'un début. Nous avons 4 ans de polémique dure qui vont commencer. Ce qui me frappe dans l'article que vous avez cité, mais aussi dans d'autres communications ou dans d'autres discussions, c'est que on a un peu l'impression d'assister au déboulonnage d'une idole. Foch. La statue de Foch est place du Trocadéro à Paris notamment, mais elle est dans je ne sais combien de villes de France. Il y a des avenues Foch partout. Je crois qu'avec De Gaulle, ce sont les avenues les plus fréquentes. Et Leclerc. Bon. Foch a été, depuis la fin de la guerre, depuis 1918, totalement magnifié et au-delà de ce qu'il était possible. Et les hagiographies ont pullulé, patronné d'ailleurs par lui. Raymond Récouli a écrit un bouquin... De l'Académie française, d'ailleurs. Absolument. Un bouquin extraordinaire où on ne voit pas la moindre erreur. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que le livre commence... au-delà de la période de 1914, voilà. On pourrait reprocher quelque chose. L'affaire de Morange, qui est une des premières désobéissances formelles de Foch, n'est même pas évoquée. Donc, on a eu une hagiographie X années. Maintenant, on regarde les choses, on a aussi de nouveaux documents. On a de nouvelles opinions, on a aussi de nouvelles générations d'historiens. Eh oui. Ça change beaucoup la vision des choses. Alors on va revenir sur tout ça. On ne fera pas du tout l'impasse, nous, sur les premières années de la guerre, bien entendu. On profitera pour parler, bien sûr, du général de Castelnau. La grande question qui se pose, me semble-t-il, c'est pas de savoir si Foch a mené des offensives meurtrières. Ça, on le sait que c'est vrai. La question est de savoir si c'était le début de la manifestation d'un caractère qui serait avant tout victorieux, ou si c'était simplement des actes de désobéissance qui n'ont jamais été punis comme ils auraient dû l'être. Franck Ferrand, 14h, 15h. Sur Europe 1. Au cœur de l'histoire cet après-midi et en ce lundi 11 novembre, vous nous parlez, Franck Ferrand, du maréchal Foch, avec votre invité, Patrick de Gmelin, historien militaire. Oui, Patrick de Gmelin, donc vous allez publier bientôt ce général de Castelnau, le soldat, l'homme, le chrétien. Vous allez également publier avec Élie Saint-Marc, ça c'est une BD historique aux éditions du Triomphe, on en dira un mot tout à l'heure. C'est tout à fait différent, mais ça sort en même temps. C'est intéressant. Alors, bon, pour ce qui est de ce général Foch, devenu maréchal, devenu le grand héros français, on va dire avec Clémenceau, l'autre perd la victoire, en quelque sorte. La comparaison est osée, mais c'est un peu ça. Je me suis amusé tout à l'heure, disons qu'il y a le militaire et le politique, en quelque sorte. Je me suis amusé tout à l'heure à citer cette interjection, à dire « allons-y, allons-y », puisqu'il passait ses journées à dire « allons-y ». C'était un homme avant tout d'action, de mouvement, d'énergie, de dynamisme. N'oubliez pas qu'on a dit aussi « attaquons, attaquons », et que le général Lanzac disait « attaquons comme la lune », ce qui était quand même quelque chose de particulier. Foch a toujours été l'apôtre de l'attaque. Toujours. N'oublions pas que cet homme, lorsque la guerre arrive, n'a jamais combattu. Contrairement à beaucoup de chefs qui se sont battus en 1870, lui n'a pas eu le temps, me direz-vous, mais c'est un homme de dossier, c'est un professeur à l'école de guerre dont l'enseignement a fait florès, même si ses élèves, qu'il admirait beaucoup, avaient beaucoup de mal à le comprendre au sens auditif du terme et donc à comprendre sa pensée. Mais c'est un professeur et brusquement, en 1914... il va faire l'expérience du terrain. Il ne l'a jamais faite et ça va générer beaucoup de problèmes, de difficultés et de critiques. Une biographie très pointue qui s'appelle « Foch, chef de guerre », c'est pas facile à dire ça, d'Elisabeth Grinalg, vient de paraître chez Talendier. Et dans cet ouvrage, l'auteur nous montre un Foch qui est au moins aussi politique que militaire, entre nous soit dit. Qui ne manque jamais un cocktail ou une décoration, qui sait pousser ses pions, qui sait être là quand il faut ou se faire oublier également quand ça l'arrange. C'est quand même un homme, disons-le, très ambitieux. Mais enfin, c'est pas une découverte. Ça. C'est un homme ambitieux, c'est un homme d'ailleurs. Le fait qu'il ait été nommé généralissime n'est pas du tout étranger à la politique. Au contraire. Et toute sa vie, il est exact que Foch a ménagé la chèvre et le chou, c'est-à-dire le politique et le militaire. Et du coup, il s'est fait voir mal des deux camp. C'est beaucoup ça. De militaires l'ont critiqué, pas simplement Castelnau, d'autres encore, Fayol. Fayol, qui était son ami d'enfance, a critiqué durement Foch plus tard, lorsqu'il a eu affaire à lui en tant que patron. Quant aux politiques, au bout d'un moment, il ne pouvait plus le supporter. Et son limogeage de fin décembre 1916 16, oui. est dû en grande partie à cela. Oui, c'est qu'il était d'un caractère impossible. Ah, mais caractère impossible. C'était un homme qui... Fait un tout petit peu penser, si je puis dire, vous allez me dire si ma comparaison n'est pas trop tirée par les cheveux, mais un peu le Douglas MacArthur français, hein, cette capacité à tenir tête au pouvoir politique aussi quand même. Oui, hein. Et puis alors, je crois qu'il faut faire intervenir aussi la personnalité, j'allais dire, physique. Dans sa manière de parler, c'est quand même la première expression, c'est la vitrine de l'homme, c'est la façon dont il s'exprime. Il s'exprimait par interjection, par mots lancés par-ci par-là, on ne comprenait pas. Et c'était vraiment quelque chose de haché, de violent. Et ça allait d'ailleurs avec sa gestuelle. Lorsqu'il était professeur à l'école de guerre, Foch se distinguait par des gestes saccadés qui allaient avec sa parole. Et ses admirateurs qui étaient ses élèves, bien souvent, étaient complètement perdus. Et ceci a été en partie à l'origine aussi de l'impression qu'il a donnée et d'une grande partie des décisions qu'il a pu prendre. Et lorsqu'il se trouvait avec des politiques, il s'y trouvait beaucoup parce que son ambition très grande, c'est incontestable. Il voulait, sur le terrain, gagner militairement au prix de la désobéissance, et on y reviendra. Et sur le terrain politique, il voulait aussi progresser. Il a toujours ménagé un Tardieu, un Clémenceau, parce qu'il voulait progresser. Alors que lui-même était catholique, pas du tout du bord de Clémenceau. Ah, absolument pas. Alors, on reviendra tout à l'heure sur cette période, hein, sur les deux grands moments qui nous intéressent, 1914 oui. et puis 1917-18. Bon. Oui. Mais avant ça, il faut peut-être qu'on voit d'où il vient. Et vous disiez tout à l'heure qu'il n'avait pas pu faire grand-chose pendant la guerre de 70, et pour cause, il est né en 1851. Il naît à Tarbes, dans quel genre de famille ? Alors, il naît dans une famille tout à fait bourgeoise, tout à fait classique de l'époque. Son père est un fonctionnaire des finances assez haut placé, puisque si l'appellation n'est pas les mêmes, son père va se retrouver l'équivalent de trésorier payeur général à Rodez, notamment. Oui. Bon, mais c'est une très bonne famille de Tarbes, catholique, c'est d'ailleurs l'un de ses frères va devenir jésuite, ça lui sera reproché entre autres par Clémenceau, mais Clémenceau dit aussi quelque part « je m'en fous ». Bon, mais il est tout à fait catholique et lui-même pratique absolument. Lorsqu'il était à Rotonde au moment de l'armistice, tous les matins, sa voiture l'emmenait à la petite église de Rotonde où il écoutait la messe très tôt. Il s'arrangeait pour échapper à Erzberger, le patron de la délégation allemande qui était catholique et qui aurait voulu à la messe avec Foch. Et Foch s'arrangeait toujours pour lui échapper. Donc c'est un catholique tout à fait pratiquant. De ce côté-là, il fait partie de cette génération d'officiers très bourgeois, très catholiques, très conservateurs et donc jugés par la Troisième République comme anti-républicain. Voilà, c'est ça. Alors, alors qu'il n'aura jamais, entre parenthèses, le moindre mouvement contre la République. On dit même qu'à une certaine époque, il a pensé qu'il pouvait devenir président de la République. C'est peu su, ça. Il aurait pu l'être, je pense. Il aurait pu, car il avait une image extraordinaire en France. Alors, ce personnage va être un peu servi par le destin. Je ne sais pas si on peut dire ça, d'ailleurs, parce qu'au moment où il entre à l'école polytechnique, c'est justement la guerre de 70. Vous parliez de 1851. C'est le jumeau, justement, de Castelnau, avec qui il va avoir des problèmes toute sa vie. Oui. La chance de Castelnau, c'est que lui est entré non pas à Polytechnique, mais à Saint-Cyr, et qu'on a tout de suite nommé sous-lieutenant ces jeunes officiers dont on avait besoin, et Castelnau, lui, a combattu pendant la guerre de 1870, alors que Foch, hélas, ce n'est pas de sa faute, il s'est engagé dans un régiment. Et il n'a pas pu combattre parce que c'était trop tard et qu'il... Bon. Mais, malgré tout, la conséquence pour lui, c'est qu'il n'a pas senti l'odeur de la poudre. Il n'a pas commandé sur le terrain dès 70, comme un jeune sous-lieutenant de 20 ans, comme beaucoup d'autres l'ont fait. Il fait partie de ces rats d'état-major, mais il passe son temps dans les bureaux d'état-major, à l'école de guerre, enfin, c'est cette espèce d'aristocratie militaire des tout débuts de la Troisième République. Hein, toute la différence entre ce qu'on appelle encore aujourd'hui, même si les implications ne sont pas les mêmes, les officiers d'état-major et les officiers de troupes, les premiers méprisant les seconds et les seconds détestant les premiers. À l'époque de 14-18, c'est une chose qui est extrêmement prégnante. Alors, il va quand même être nommé, mais ça c'est plus tard, à la tête de l'école de guerre, ce qui démontre quand même un stratège, parce que certains nous disent aujourd'hui qu'il n'a aucun sens de la stratégie, et même comme tacticien, il y aurait à redire. Alors, c'est un homme qui a des grandes idées militaires, qu'il développe en tant que professeur, et disons sa doctrine s'établit peu à peu, jusqu'au moment où il passe de professeur, simple professeur à l'école de guerre déjà très écouté, à patron de l'école de guerre. Et là, à ce moment-là, sa doctrine qui se résume en un mot, l'attaque, va se développer Et on va prouver peu à peu que toute sa doctrine, qu'il a d'ailleurs exprimée dans deux livres qui à l'époque ont été assez lus, préparait finalement, j'allais dire, les problèmes de 1914 plutôt que de préparer la victoire. Et voilà, et oui, c'est ça. C'est assez étrange tout de même, ça. Oui, mais ça, c'est une chose que... moi, je citerai un autre livre, Franck, qui est le bouquin de Jean-Christophe Notin sur Foch, qui a maintenant deux ans, qui est un remarquable livre, très différent du livre que vous avez cité, et qui développe parfaitement cela. Donc, Foch développe cette doctrine. Il ne se rend absolument pas compte que cette doctrine n'est pas la bonne. Comme il gagne peu à peu une image très importante au sein du haut état-major français, il devient colonel, il attend quand même très longtemps pour passer colonel. Oui, oui. Très longtemps. Ce qui prouve qu'il doit déjà déplaire à certains. Mais bien sûr, ne serait-ce qu'à cause de sa catholicité. Oui, oui, c'est vrai. Il finit par devenir de général et à partir de ce moment-là, il est évident que sa voix se fait plus entendre. Et si on le nomme à la tête du 20e corps d'armée à Nancy au moment de la guerre, c'est aussi parce que on considère que c'est un grand stratège. La seule chose, c'est que personne n'a peut-être véritablement pensé que de la théorie à la pratique, il y a un large pas, et lui ne va pas le franchir dans les meilleures conditions. Alors il est à la tête de ce 20e corps d'armée à partir d'août 1913. On va dire que dans les milieux où il évolue, on n'ignore pas qu'on s'achemine vers une guerre quoi qu'il arrive. On nous rebat les oreilles avec cet attentat de Sarajevo, mais on va dire que l'attentat de Sarajevo, c'est l'étincelle qui met le feu à des poutres. Mais voilà, tout était prêt. Bon. Et donc, il travaille là sous les ordres du général de Castelnau. Absolument. J'allais dire, c'est là que vous entrez en scène. J'entre en scène indirectement. Mais disons que c'est vrai, je connais bien cette période. Castelnau est le patron de la 2e armée, c'est un gros soldat, on le sait déjà, lui aussi a été dans les états-majors. Mais la grande différence, c'est qu'il a combattu. Et Foch est sous ses ordres. Et Castelnau va ordonner un certain nombre de travaux, notamment de fortifications du Grand Couronné, qui sont les hauteurs qui défendent Nancy. Et Foch va faire ses travaux, mais d'ailleurs, de la vie de Castelnau, déjà, il se donne pas assez. Oui, il n'a pas l'impression d'avoir affaire à un subordonné voilà. Vraiment dévoué. Et quand Castelnau va se retrouver avec la bataille du Grand Couronné quelques temps plus tard, car c'est lui qui l'a gagné, ce n'est pas faux, je ne fais pas là d'esprit subjectif, mais c'est une vérité, il va dire que tout de suite, les fortifications qu'il a ordonnées ne sont pas complètes, ne sont pas assez fortes. Et ça, c'est Foch qui voit ça. Alors, on va pas parler de dilettantisme, ça serait un terme beaucoup trop fort. Mais d'un autre côté, il y a quand même quelque chose. Alors qu'incontestablement, quand Foch arrive au palais du gouvernement, ce célèbre palais du gouvernement qui avait été habité par Manteuffel pendant toute l'occupation prussienne à Nancy, il se lance tout de suite dans l'organisation. C'est un organisateur, c'est un homme qui sait parfaitement faire ce genre de choses. Il y a des milliers de soldats qui arrivent tous les jours à Nancy, donc il s'occupe de tout. Et il se trouve en première ligne, sous les ordres de Castelnau, qui commande la 2e armée, mais il commande le 20e corps, qui n'est qu'un des éléments de l'armée, mais un élément très important. Il y a notamment cette fameuse division de fer, et il est face à l'Allemagne, et c'est lui qui, vraiment, est l'un des patrons de ce qu'on appelle les troupes de couverture. Ah oui. Et il va d'ailleurs désobéir assez vite, parce qu'il y a le fameux ordre qui indique, dans les premiers jours de la guerre, que pour pas risquer d'incident avec l'Allemagne, on va reculer les troupes françaises de 10 km vers l'intérieur. Et là, déjà, il fait preuve, on va dire gentiment, d'indépendance. Lui reçoit l'ordre et ne l'applique qu'en partie. C'est-à-dire qu'un certain nombre de ses troupes qui devraient reculer, il la laisse en place. Castelnau, d'ailleurs, à ce moment-là, le couvre. Oui. Bon. La désobéissance va être beaucoup plus flagrante quelques jours plus tard avec Morange. Alors là, il faut que vous nous racontiez Morange, parce que là, c'est carrément une prise d'indépendance de la part de Foch. Hein. Pour simplifier... Et pour le pire, il faut le dire. Hein. Et pour le pire. Pour simplifier les choses, la 2e armée avance. Elle a en face des Allemands qui sont nombreux, qui sont bien entraînés, qui sont bien armés, qui sont même supérieurement armés par rapport aux Français. Et Castelnau voudrait avancer sur une même ligne. Il se trouve que à l'une de ses ailes, il y a le 20e corps. Et il se trouve que les Allemands, bien qu'ils soient nombreux, n'opposent pas une résistance extrêmement farouche et les troupes de Castelnau avancent petit à petit, mais elles avancent. Castelnau est un homme prudent. Il ne veut pas, lui, qui est économe de la vie de ses hommes, il ne veut pas risquer de drame. Bon. Et puis, Foch, lui, avance encore plus vite que les autres. Et il se retrouve en avant. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre son corps d'armée et la 2e armée. Et dans la nuit, Castelnau, qui le sait... Il s'est trop avancé, disons. Voilà. Il lui donne l'ordre formel de rester sur place, en attendant le lendemain. Alors cet ordre, il l'a reçu ou pas ? Alors, il dit que non, lui. On ne le saura jamais. Castelnau dit, je l'ai envoyé, mais non seulement je l'ai envoyé, mais il est passé par les ondes, si je peux dire, mais il a envoyé un officier, le commandant Jacquand à l'époque, pour confirmer l'ordre officiellement. Et Foch dit « je ne l'ai pas reçu » et Duchesne, son chef d'état-major, qui est un être très particulier, ajoute que la portion n'a jamais rien reçu. Mais il y a quand même une chose un petit peu étrange. En septembre, c'est-à-dire un petit peu plus tard, Duchesne, sur l'ordre de Foch, va refaire le journal de marche du 20e corps. C'est bizarre, ça, quand même. Et juste pour ces jours-là, pour que ce qui est écrit corresponde à ce que dit son chef. Ouais. C'est un faisceau de présomptions convergentes. Alors évidemment, tout ça sera balayé. Il nous reste assez peu de temps pour en parler. J'en suis vraiment navré, Patrick de Gmelin. Mais tout ça sera balayé par les exploits de Foch à la fin de la guerre, lorsqu'il sera devenu le généralissime dirigeant l'ensemble des armées alliées. Et à ce moment-là, évidemment, il va mener les alliés jusqu'à la victoire. Et donc, on finit par oublier ses débuts. Oui, et puis alors, il a quand même cette chose étonnante, ce n'est pas une friandise, mais c'est un bâton de maréchal. Bah oui. Et ça le met automatiquement au-dessus de tous les autres. Oui. Même si Joffre a reçu, lui, le bâton de maréchal pour le mettre au placard. Oui. Mais le fait d'être maréchal de France va lui permettre d'avoir une attitude tout à fait désagréable vis-à-vis même, non seulement de ses anciens subordonnés, mais de l'ensemble de la caste militaire. On est habitué à employer l'expression « l'histoire est écrite par les vainqueurs ». Là, c'est le moment vraiment de l'employer. Ah, va et victis aussi, parce que c'est aussi malheureux vaincu. Et il est vrai que pendant d'ailleurs toute l'après-guerre, tous ces généraux, Foch et Castelnau, mais d'autres aussi, se sont pris aux cheveux par mémoire ou par article interposé. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Gérald Fried sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film Les Sentiers de la Gloire, réalisé par Stanley Kubrick en 1957. Nous sommes au cœur de l'histoire du maréchal Foch avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Patrick de Gnelin, historien militaire. Alors en ce 11 novembre, au moment où nous avançons, on peut dire à grands pas, vers cette année 2014 qui va être celle du grand centenaire, je tenais à vous dire que nous sommes en train de vous concocter, avec la rédaction d'Europe 1, un certain nombre de rendez-vous qui nous permettront d'évoquer des aspects plus ou moins inédits de ce cataclysme fondateur, car je crois que cette blessure de la Grande Guerre n'est pas encore cicatrisée pour tout le monde. Un bon moyen de s'en rendre compte, c'est d'ouvrir et de parcourir le nouvel ouvrage de mon ami Jean-Louis Bocarnot aux éditions Lattès. Alors je dis souvent du bien des livres de Bocarnot sur les ondes d'Europe 1. Il a fait des livres sur les noms de famille, sur les savoirs populaires, sur les modes de vie de nos ancêtres. Eh bien, ce nouveau titre est encore plus passionnant si possible. Nos familles dans la Grande Guerre évoquent les femmes, les veuves, les fiancées, les enfants, les parents, les gendarmes et les mères qui étaient, vous savez, chargé de transmettre les funestes télégrammes à ces familles qui attendaient des nouvelles du front. Bonjour Jean-Louis Bocarnot. Bonjour Franck Ferrand. Merci beaucoup d'être au téléphone en ce 11 novembre. Alors, vous avez écrit ce livre comme tous les autres, c'est-à-dire à partir... Non, c'est pas écrit. Ben c'est ça. Ce sont les descendants des poilus qui ont écrit. Voilà, on peut dire quasiment ça. J'allais dire, vous avez recueilli des témoignages, vous avez jeté la lumière sur un certain nombre de zones d'ombre et vous partez des photos notamment. Oui. Qui sont toutes, en général, très très poignantes et qui permettent parfois de jouer, si je peux dire, à avant, après. Voilà la photo avant, la famille avant 1914, et voilà la famille après. Et là, on mesure très vite, hein, y a des familles qui ont été décimées on voit tous les absents. Oh là il y a là des familles oui. qui ont été. Mais quand vous dites décimés, c'est dans des proportions incroyables. Hein, ah pour oui. Vous racontez des choses étonnantes, faut dire. Il y a des familles où il y a eu 11 fils c'est mobilisés. Bon, c'est incroyable. Sans compter les gendres, hein. Et dont plusieurs peuvent mourir au combat, bien entendu. Les records, c'est 6 enfants. Incroyable. Dans une même famille, vous imaginez ça. Donc des familles décimées, vous avez eu des familles transplantées qui, avant la guerre, étaient en Bretagne et qui, après la guerre, vont se retrouver en Provence à la suite de tribulations, mésaventures, etc., et parfois de drames. Vous avez eu des familles qui, socialement aussi, ont vu leur destin complètement bouleversé. Elles étaient riches, elles ont été ruinées, ou parfois, le contraire, il y a quelques familles à qui la guerre a réussi. Alors ça, vous le montrez aussi, oui, bien entendu. Vous faites des dossiers, en quelque sorte des dossiers thématiques, qui renouvellent un peu la connaissance de cette époque, et notamment la connaissance aussi de l'après-guerre. Je pense à ce que vous dites des pensions, par exemple, très intéressant et assez instructif. Ce sont des questions que je ne connaissais pas, que j'ai creusées, non plus, hein, pour essayer de faire justement le livre que j'aurais voulu trouver, de faire un livre tout en un, où on puisse trouver tout en dehors de l'histoire, événementielle qu'on connaît bien, la vie des tranchées, etc., puisse trouver tout sur la façon dont les familles, dont nos familles, parce qu'on a tous notre nom de famille sur un monument aux morts quelque part en France, extraordinaire. Dont nos familles ont vécu et ont passé ces années horribles. Alors vous en parlez justement de ces monuments aux morts. Vous évoquez aussi le rôle de la médecine, les médecins, les infirmières, etc., qui ont joué un rôle tout à fait essentiel dans cette guerre. Mais les infirmières que parfois le poilu épousait. Eh oui, c'est ça. Alors ça, c'est le grand brassage. Fascinante histoire des Français. On n'avait pas vu de secousse aussi violente depuis la Révolution française, et c'est même peut-être encore plus violent que la Révolution française. Et alors, on a l'impression que les familles, si je puis dire, se recomposent à l'occasion de cette grande guerre. Elles se décomposent parfois, c'est l'éclatement, et d'autres fois, elles se recomposent. Artificiellement, on a des cas très très émouvants de familles qui n'ont rien à voir entre elles, mais qui vont élever leurs enfants. Les mères veuves vont se serrer les coudes et vont reconstituer des fratries artificielles. C'est très très émouvant. Mais en rendant, si vous voulez, comme ça, la parole aux familles, en rendant la famille... Oui, parce que vous interrogez les descendants, c'est ça qui est formidable. Et oui, hein. et oui. Et je vous assure que les descendants, ils ont aujourd'hui entre 20 et 90 ans. Hein. C'est le fils, enfin les enfants, les petits-enfants, voire les arrière-petits-enfants de ces combattants de 14, qui conservent tous une image et qui, c'est très frappant aussi, montre que cette guerre aujourd'hui fédère complètement. Elle réunit tout le monde a la même approche que l'on descende d'un héros valeureux, couvert de gloire, etc., ou d'un fusillé pour l'exemple, ce qui était dramatique aussi pour les familles, eh bien, quel que soit l'ancêtre, le profil de cet ancêtre poilu, on se sent tous, on les voit tous comme des victimes de cette boucherie, de cette guerre aberrante, etc. Et là, tout le monde communie, se retrouve à ce niveau-là. Et c'est toute l'épaisseur du temps, c'est toute la vérité de ces familles que vous nous faites toucher du doigt à travers énormément d'exemples concrets, ça je le souligne, hein, c'est ce qui fait la force de ce livre, de ces destins héroïques et foudroyés. C'est publié chez Jean-Claude Lattès et ça s'appelle « Nos familles dans la Grande Guerre » de Jean-Louis Bocarnot. Merci Jean-Louis. Merci beaucoup Franck. Alors, il faut dire, Patrick de Gmelin, que nous avons nous parlé là d'un des plus grands officiers. Il y a toute cette aristocratie militaire qui dirige la Première Guerre mondiale. Mais cette guerre est bel et bien une affaire de peuple. Hein. C'est un pays entier qui est mobilisé. Alors c'est une affaire de peuple, mais il y a une chose que je voudrais dire. C'est une idée d'ailleurs que j'ai peut-être. On a souvent dit, on dit toujours, hors le poilu, point de salut, et c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a cette énorme phalange de sous-officiers et oui, d'officiers. Entre les deux, en quelque entre sorte. Entre les deux. Et alors on dit souvent, oui, mais les officiers, ce sont des gens d'une essence différente, supérieure, sortis des grandes écoles, etc. Rien de plus faux pour 1914. Parce que la majorité, je dis bien la majorité, des officiers de 1918 ou de 1915-1916 sont des hommes sortis du rang et qui, au feu, ont gagné leur galon d'officiers. Pour des sous-officiers, pareil. Et je crois que c'est une chose qu'il ne faut pas oublier, car je suis très frappé de voir qu'on ne parle que du poilu. Il n'y a pas d'injustice là-dedans. Mais par contre, il y a une injustice à ne pas citer les sous-officiers et les officiers français de cette époque, qui sont tous issus du peuple. Il n'y en a qu'un pourcentage extrêmement restreint, sorti de la bourgeoisie ou de l'aristocratie, mais eux, c'était l'impôt du sang qu'ils payaient déjà depuis des siècles. Merci beaucoup Patrick de Gmelin. Nous attendons avec impatience la sortie de votre beau livre sur le général de Castelnau. Ça sort là dans les semaines aux éditions Hérisset, hein. Ça sort avant Noël. Le soldat, l'homme, le chrétien, le général de Castelnau qui était né comme Foch en 1851, mais qui mourra un peu plus tard, en 1944. Merci beaucoup, Patrick. Merci, Franck. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, Franck Ferrand, vous répondez à la question de David, qui nous l'a envoyé via le site internet d'Europe 1, europe1.fr, et qui aimerait connaître les origines de l'expression « cuire au bain-marie ». Oui, j'imagine que David est un cordon bleu, il veut savoir d'où vient cette expression « cuisiner au bain-marie ». C'est un mode, il faut peut-être raconter ça à ceux qui ne savent même pas faire cuire un œuf, c'est un mode de cuisson et de chauffage qui consiste à placer la préparation dans un récipient qui lui-même se trouve plongé dans un autre récipient rempli d'eau en ébullition. Alors, cette technique, elle est connue depuis très longtemps, depuis l'Antiquité. On sait que les Grecs classiques l'utilisaient, mais probablement même, c'est encore plus vieux que ça. Pourquoi le bain-marie? Eh bien, pour trouver la réponse, je me suis penché sur l'ouvrage d'Henri Pigaillet, magnifique histoire à la casserole, le dictionnaire historique de la gastronomie, publié aux éditions Télémac, là, en octobre dernier. C'est un régal, ce livre, véritablement, à tous les sens du mot. Et c'est Pigaillet qui nous dit donc que le nom de bain-marie viendrait de Marie la Juive, qui aurait vécu au 3e siècle avant Jésus-Christ, qui a été considérée comme une des fondatrices de l'alchimie. Vous voyez que quand on dit que la cuisine est avant tout une question de chimie, elle peut aussi avoir quelques liens avec l'alchimie. Marie la Juive était l'auteur de plusieurs créations d'instruments en métal employés pour la cuisson ou pour la distillation. Elle les dévoile d'ailleurs dans un ouvrage qui s'appelle « Sur les fourneaux et les instruments ». Et elle y explique notamment le procédé de transmission de la chaleur au corps nu par le biais d'un bain de sable. Et bien là, on est à l'origine même du bain-marie qu'ensuite elle va développer. Alors, pourquoi le nom de bain-marie? Mais parce que Marie la Juive, justement, utilisait des instruments et un système par balnéum pour la fonte et pour la cuisson de tous ces métaux, de tous ces produits dangereux. Au XIVe siècle, Arnaud de Villeneuve, dont on a parlé pour de toute autre raison dans cette émission, qui était un grand médecin, par ailleurs, et qui était lui-même alchimiste, va évoquer pour la première fois dans son rosaire cette invention de Marie, et c'est lui qui va parler de balneum mariae, de bain Marie. Voilà, je pense qu'on ne pouvait pas faire à David une réponse plus complète sur un sujet pointu de cuisine, mais qui nous intéresse tous, parce qu'évidemment, nous adorons les œufs brouillés. Bonjour Elena Morna. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors nous abordons aujourd'hui les problèmes d'insomnie avec les experts Europe 1. Vous faites peut-être partie de ceux qui ont bien du mal à s'endormir, vous vous réveillez plusieurs fois dans la nuit, ou alors aux aurores avec une impossibilité de vous rendormir. Quels sont les remèdes naturels? Car vous ne le savez peut-être pas, certes les somnifères vous assomment, mais ils ne vous guérissent pas. On va essayer nous de traiter autrement les problèmes d'insomnie. Vous pouvez d'ores et déjà nous contacter au 3921 ou sur europe1.fr. Nous sommes en direct, Franck. Merci beaucoup, Elena. Alors, je reviens un peu à mes histoires de jarretière et aussi au 11 novembre et à la Première Guerre mondiale. Nous avions reçu, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, Fabrice Virgili et Daniel Volman, qui étaient les auteurs de La Garçonne et l'Assassin, qui racontaient l'étonnante histoire de ce déserteur qui s'était travesti pour échapper à la guerre et qui ensuite était resté, on va dire, continuer à vivre la vie d'une femme dans le Paris des années folles. Eh bien, cet ouvrage vient de faire l'objet d'une bande dessinée. Il a été mis en album, en bande dessinée. Ça s'appelle « Mauvais genre » et c'est signé Chloé Cruchaudet. C'est aux éditions Delcourt Mirage. Au revoir Franck, à demain. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.